une histoire particulière. C'est l'histoire d'une femme libre que Clémence Alézard et Christine Robert nous ont racontée hier dans le premier épisode. L'histoire d'une femme affranchie des normes et l'histoire d'une athlète complète alors que le mouvement sportif féminin connaît son essor. Brillante athlète, véritable figure du début du siècle dernier, Violette Maurice porte les cheveux courts, un veston d'homme, fume, parle comme un homme et se fait couper les seins pour être plus à l'aise au volant de sa voiture de sport qu'elle conduit à toute vitesse. Violette Maurice est libre, scandaleusement libre pour l'époque, aux bras de femmes avec lesquelles elle s'affiche dans les cabarets lesbiens et où elle se produira dans les années 30 en tant qu'artiste lyrique. Violette Maurice, une femme libre mais qui dérange et que l'on prive de sa participation aux Jeux Olympiques de 1928 à Amsterdam. Scandaleuse jusqu'au bout, jusqu'à ce que la guerre et le pire la rattrapent. À commandement FFI, MEU, de Londres, état-major. Abattre immédiatement et par tout moyen espionne Violette Maurice. Stop. Rechercher et éliminer agent contact avec elle. Région M1, M2, M4. Stop. Ordre prioritaire. Fin. Le cas Violette Maurice. Un documentaire de Clémence Alézard et Christine Robert. Aujourd'hui, à abattre par tous les moyens. C'est-à-dire, moi, je suis née à 20 km de l'endroit où elle a été tuée. Et quand j'étais enfant, j'ai entendu plusieurs fois ma mère qui racontait la disparition des charcuteries de Beuzeville. Ils avaient disparu corps et biens. Et alors, ça avait tellement frappé tout le monde, enfin, ça avait traumatisé le pays. Mais ce que je ne savais pas et que j'ai découvert en faisant des recherches sur les fusillés de la prison de Caen, le 6 juin 44, c'est que la personne qui conduisait la voiture, c'était Violette Maurice. Voilà, ça a été publié l'année dernière. C'est donc la secrétaire du maquis Surcouf, donc Simone Sauter, puce. Elle a écrit donc le journal. Aujourd'hui encore, un autre règlement de compte doit s'effectuer. Depuis longtemps, la population de Beuzeville réclame châtiment des traîtres, Bailleul et Baudouin. Bailleul ravitaille l'armée allemande. Très souvent, de grands festins sont donnés à sa table aux officiers et fêles de gendarmes. Plus loin, elle dit, dès le petit jour, l'équipe qui se chargera de cette opération est partie tendre un guet-apens à Madame et Monsieur Bailleul. Ne doivent-ils pas se rendre à Paris avec un certain Monsieur André, dont la puissante voiture a été signalée ainsi ? Traction avant, 15 chevaux, 6 phares, antenne de poste de radio. Oui, c'est fascinant une voiture pareille hein, à cette époque-là. Quelques pages plus loin, imaginez un peu notre stupeur, puis notre joie, lorsque le soir, compulsant les papiers des serviettes, nous avons constaté que Monsieur André, l'intime des Bailleul, ce gros homme à la mine vulgaire qui conduisait la voiture attaquée, ce n'était ni plus ni moins que Violette Maurice, la célèbre championne des courses automobiles, sportive d'une force herculéenne qui s'était fait couper les seins pour manier plus facilement le volant. Et elle poursuit. Autrefois membre du 2e bureau français, elle était devenue un principal agent de la Gestapo. Ses victimes ne se comptent pas dans notre pays où elle jouissait de tous les privilèges du régime. Sadique, elle torturait elle-même les patriotes qu'elle faisait arrêter. Et le récit de cet attentat fait par Puce est quand même très intéressant parce que là, pour moi, c'est la preuve définitive que l'attentat n'était pas dirigé contre Violette Maurice. Et qu'en plus, quand M. Ruffin s'est permis de montrer le télégramme qui avait été envoyé à Londres pour ordonner l'exécution de Violette Maurice, c'est un faux. Donc à abattre par tous les moyens. C'est un faux. 26 avril 1944, sur une route de campagne non loin de Lioré dans l'Eure, Violette Maurice est au volant de sa Citroën traction avant. Elle conduit à Paris les époux Bailleul, charcutiers à Beuzeville et leurs deux enfants. Un peu avant 19h, le convoi est ralenti par un attelage, le maquis normand de Surcouf. Les gars de Robert Leblanc criblent de balles les corps de ses occupants, enfants de 14 et 15 ans compris. Pour Raymond Ruffin, auteur de la première biographie consacrée à Violette Maurice, La Diablesse, parue en 1986, il ne fait aucun doute que Violette Maurice, espionne pour les nazis, hyène de la Gestapo, selon l'expression qu'il emprunte à l'écrivain Auguste Le Breton, est visée. Les objets retrouvés sur elle en attesteraient, des listes dénonçant nominativement des résistants. Si des zones d'ombre et des silences persistent encore, on sait désormais que cette thèse relève plus du mythe que de la réalité. Elle ne supporte pas les preuves des faits rapportés depuis par des résistants. Pas de liste de noms, pas de faits de torture non plus dans les archives dépouillées par l'historienne Marie-Jo Bonnet. Ce que l'on sait, c'est que Violette Maurice est une proche de Marcel Bucard, homosexuelle également et chef du parti franciste. Elle le reçoit plusieurs fois sur sa péniche à Neuilly, telle que rapportée par ses domestiques. Nulle trace, toutefois, d'une quelconque adhésion au parti. On sait aussi qu'elle réquisitionnera l'essence de résistants à Cannes, conduira des miliciens et collaborera au moins économiquement. Un mystère entoure toutefois le fait que ses agissements aient pu dicter, avant la libération, l'impérieuse nécessité d'abattre par tous les moyens la Maurice. Mais c'est quand même Raymond Ruffin qui est l'artisan de cette histoire de la gestapiste tortionnaire. Il y a même un récit, c'est incroyable, mais enfin, il raconte une séance de torture dans son livre sur la diablesse. Enfin, c'est quand même inouï, comme s'il y était. Marie-Jo Bonnet, historienne. Donc c'est vraiment de la manipulation historique, mais qui est vraiment... parce que le but, c'était de justifier la mort des enfants. Donc, pour justifier la mort d'enfant, eh bien, il fallait que Violette Maurice soit vraiment l'épouvantail, la diablesse, comme il a dit. La hyène. Donc, on l'a noircie, mais vraiment de manière, moi, que j'estime odieuse, parce que c'est pas comme ça qu'on écrit l'histoire. Marie-Jo Bonnet a raison quand elle pose la seule vraie question historienne, si vous voulez, pour moi, à quel moment on commence à voir Violette Maurice comme un monstre. Anne Simonin, historienne. C'est pas n'importe quand. C'est après l'attentat dans lequel elle va perdre la vie et avec elle deux enfants. Et il va falloir justifier ce qui s'appelle une bavure. Parce que jamais on peut tuer délibérément deux enfants. Et donc, à partir du moment où il y a bavure, il y a effectivement un narratif qui doit être produit. Et il faut absolument que cette femme soit absolument atroce pour justifier. Et ça me paraît pour le coup assez cohérent. Qu'Auguste Le Breton l'ait qualifié de hyène de la Gestapo et qu'on s'appuie là-dessus pour dire qu'elle s'est comportée n'importe comment ou avec une violence extrême, me paraît pas du tout de l'ordre de la preuve, c'est de l'ordre de la rumeur. Et ce qu'on voit, en tout cas, par exemple en Indignité Nationale, c'est que la rumeur et la fausse nouvelle, pour reprendre un titre de Marc Bloch, a une importance essentielle sous l'occupation. Donc il suffit d'être vu dans des endroits avec des Allemands, ça crée un ressentiment. Vous êtes dans une économie de pénurie avec des contraintes extrêmement fortes. Et donc à partir du moment où vous pouvez transgresser parce que vous avez accès à la fois au marché noir, que vous êtes vu dans des boîtes de nuit à la mode, on a vraiment l'impression que par rapport à la souffrance physique, mentale, réelle de la plupart des Français, c'est un scandale absolu. Et il y a d'autres éléments aussi qui m'ont permis de vraiment critiquer le livre de Monsieur Ruffin, c'est que il y a beaucoup de faits qui se sont passés sous l'occupation qu'il ne connaissait pas, et même avant l'occupation. Par exemple, il ne savait pas qu'elle était l'amie de Jean Cocteau et Jean Marais, que Cocteau avait écrit sa pièce Les Monstres Sacrés sur la péniche de Violette Maurice. Elle l'avait hébergée. Il ne savait pas qu'elle l'avait conduit en voiture pour aller voir Marais sur le front au moment de la drôle de guerre. Il ne savait pas qu'elle avait dirigé le garage Pershing, réquisitionné par la Luftwaffe dans le 16e arrondissement. Et la Luftwaffe, donc finalement, je me suis rendu compte que c'était pas du tout étonnant qu'elle se retrouve à fréquenter les aviateurs allemands, parce que son rêve, c'était d'apprendre à piloter un avion. Et j'ai retrouvé un article de 1938 où elle dit, eh bien voilà, je vais piloter, je vais faire le tour du monde en avion et je vais aller aux États-Unis faire des conférences sur le sport féminin. Et toutes les personnes qu'elle fréquente sous l'occupation, ce sont des aviateurs. Par exemple, Elle va être embauchée comme chauffeur de Sarton du Jonchet. Sarton du Jonchet qui fait partie du gouvernement de Laval. Or, Sarton du Jonchet est un aviateur, un ancien aviateur. Ça, je les ai retrouvés aux Archives nationales, parce que ça montre qu'il n'avait pas fait de recherche non plus. C'est marqué que c'est pour le lieutenant-colonel du Jonchet et pour la propriétaire, c'est Madame Violette Maurice qui est donc garagiste et qui est domiciliée à La Mouette, donc sur la péniche. Là, j'ai 44, vous voyez, j'ai des tampons. Et c'est des autorisations qui sont tamponnées, hein, c'est la même voiture. Hein, autorisation de circuler. Vous voyez, là, c'est 43, décembre 43. Autre fait que j'ai découvert en faisant mes recherches sur Violette Maurice, c'est que sa grand-mère était une juive de Constantine. Et ça, c'est extraordinaire parce que Ben Krolla. Et elle a été enlevée par son grand-père, le général Maurice. Donc, c'est une famille très connue à Alger. La générale Maurice, elle faisait régner la terreur hein, dans les familles d'officiers français. Et vous avez Sarton du Jonchet, qui est aussi une famille de militaires à Alger. Et j'ai retrouvé aux archives de Vincennes, dans le dossier de Maurice, du général Maurice, un courrier échangé avec les deux familles, Sarton du Jonchet et Maurice. Et comme il était général, son père était aussi un militaire, mais beaucoup moins doué que le grand-père. L'oncle était général aussi. Et donc, c'est absolument pas étonnant qu'on la retrouve à Vichy, chez Pétain. Moi, une de mes hypothèses, mais ça, j'ai pas encore réussi à la prouver, sauf que j'ai trouvé quand même un document de Payol qui faisait partie des services secrets de Pétain, c'est que Pétain lui aurait demandé des infos sur les milieux allemands, parce qu'il en avait besoin pour négocier avec les Anglais, puisqu'elle fréquentait les aviateurs de la Luftwaffe, parce que quand même, accepter de diriger le garage Pershing réquisitionné par la Luftwaffe, il faut vraiment être à côté de ses pompes. Hein. Donc cette femme qui a eu des relations au moins commerciales avec les Allemands pendant la guerre, et où, parce qu'elle tenait un garage, parce que les gens de la Gestapo venaient s'approvisionner en pièces détachées, si vous voulez, il y a ces frôlements et qui font que pendant la guerre, ça reste des choses qui sont quelque chose de très difficilement admissible. Va être l'objet, et c'est là où je trouve la démarche de Marie Jobonnet très intéressante, à partir de la Libération, d'un récit qui est totalement fantasmé. Et donc c'est pareil, c'est-à-dire que, en tout cas, si on suit Marie Jobonnet, il n'y a pas de trace de son appartenance à la Gestapo, il n'y a pas de trace historique de son rapport à l'espionnage, et quand on lit les descriptions qui sont faites des tortures qu'elle aurait soi-disant infligées aux gens arrêtés par la bande, ce qu'on appelle la bande de Bonnie Lafont, la bande de la rue Lauriston, bah écoutez, c'est du mauvais Sade. Mais on a un peu de mal à imaginer que ça ait pu être réel. Elle est très inventive dans ses tortures, en tout cas dans l'imaginaire des tortures qu'on lui prête, et elle dévoile une puissance de ce féminin devenu masculin qui est quelque chose d'extrêmement inquiétant et la violence des fantasmes des tortures qu'on lui prête, à mon avis, traduit, fait partie de ce que certains historiens considèrent comme étant la crise de la masculinité la Libération, mais aussi de l'autonomie qu'elle a fondamentalement gagnée comme agent politique autonome. C'est pour ça que c'est un apax Violette Maurice, parce que la plupart des femmes dans la collaboration ne sont pas du tout traitées de cette façon-là. Dans la mémoire nationale, c'est resté, ce sont les femmes tondues qui restent des symboles des femmes pendant la collaboration, ou la dénonciatrice. Voilà, donc on a deux figures qui sont, c'est-à-dire la femme ayant eu des relations sexuelles avec les Allemands ou celle qui a dénoncé, qui passait son temps dans sa cuisine, a envoyé des lettres à la commandantour, aller le dire à la commandantour, pour reprendre le titre d'un poème de Robert Desnos qui est juste magnifique. Voilà, il y a ces deux femmes-là, alors que la réalité des femmes est une réalité autrement politique et autrement subversive aussi, dans la mesure où je pense que la collaboration a été pour les femmes un moment essentiel de leur socialisation aux politiques. Voilà, et je tape Violette Maurice Gestapo. Voilà, cette photo-là, tout le monde s'en sert pour dire, regardez la preuve qu'elle était à la Gestapo. Eh bien, figurez-vous que cette photo, elle ne date pas de l'occupation. Moi, j'ai retrouvé où est-ce qu'elle a été prise. Cette photo, elle est prise en 38, au fameux commissariat de Neuilly, là où elle était arrêtée, après la mort du légionnaire. Vous voyez ? Donc, on fait croire que cette photo... Que c'est elle est à la Gestapo de la rue des Saussets. Et j'ai le journal dans lequel elle a été publiée. C'est de la manipulation historique, de la diffamation. Vous avez tous les gens qui le croient et qui le reprennent cette photo en disant « Regardez, elle était à la Gestapo ». Là, vous nous sortez le gros parcours. J'ai eu la chance de retrouver... Ah, détective, voilà. Décembre 1937. Paris soir, Violette Maurice tire 4 balles de revolver à bord d'une péniche. Voilà, vous voyez ? Le journal. Violette Maurice, la femme en homme, tue un légionnaire qui la menaçait. Paris soir. J'étais en état de légitime défense, affirme Violette Maurice. Violette Maurice blesse mortellement un ancien légionnaire au cours d'une querelle. Elle abat un légionnaire. Sur sa péniche, la mouette. Donc il y a un autre procès. Le populaire. Le drame de la péniche. Violette Maurice est écrouée à la petite roquette. Paris soir, Violette Maurice, libérée depuis hier soir, va débuter comme ténor et artiste de cinéma. Ah oui, mais attention, c'est pas n'importe qui qu'elle a tué. Hein. C'est l'amant de la femme de son meilleur ami. Ils ont passé le réveillon de Noël ensemble, ils en sont venus à discuter très fort. Donc elle a pris fête et cause pour lui, et lui, oui, il a la bouteille à la main. Le lendemain, il est venu sur la péniche, menaçant et tout ça. Elle a sorti son revolver et puis elle l'a tué. Donc il y a eu un non-lieu, légitime défense. Vous voyez, ça, c'est la péniche, c'est là. La mouette. Et là, vous voyez, c'est une femme qui est déjà triste. Hein. Vous voyez sa tête. Et clope au bec, constamment. À bord de la mouette. Jeannot bien-aimé. C'était encore comme un beau rêve ton passage dans la petite cabine, et en me réveillant, je n'y croyais pas. Yvonne m'a expliqué l'air sombre de Violette. C'était un air de maîtresse de maison prise au dépourvu. Elle était consternée, furieuse de ne pouvoir t'offrir un festin. Nous lui avons expliqué que tu t'en moquais, que tu venais nous voir et nous manger. Ce qui la console un peu. Mais c'est une grosse petite fille, ou un gros petit garçon, très drôle, qui boude et qui a des idées. Jean Cocteau, lettre à Jean Marais. À mon avis, c'est elle qui a financé la pièce de Cocteau, parce qu'elle était très généreuse. Les monstres sacrés. Oui. D'ailleurs, la première représentation, elle joue. On la voit en photo avec son amante, Yvonne Debray. Parce que ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'elle avait une liaison avec Yvonne Debray. Elles vivaient ensemble sur cette péniche, la mouette, donc qui était exactement à Neuilly, sur scène. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une image de leur relation par Cocteau. Parce que lui, il était avec Jean Marais à cette époque-là. Et donc, il écrivait tous les jours, même deux fois par jour, à Jean Marais, qui était mobilisé donc dans la Somme. Et il racontait un peu ce qu'il vivait. Et Jean Marais venait de temps en temps sur la mouette pour retrouver Cocteau. Et donc, il y avait deux couples de couple homosexuel. Et il raconte qu'en fait, Violette, malgré ses allures de gros garçon, comme il dit Pato, en fait, elle reste une femme parce qu'elle est très sentimentale, elle est jalouse, elle fait des scènes à Yvonne parce qu'elle a toujours peur de ne pas être assez aimée. Et il dit à Jean Marais, ce n'est pas comme nous. Nous, on se laisse la liberté. Mais c'est intéressant, vous voyez, de voir son regard de couple homosexuel sur un autre couple homosexuel. Jeannot Chéri, drame de dame. Ce soir, je rentre de chez Fenosa et Violette trouve une lettre d'Yvonne. Elle m'avait du reste vaguement prévenu qu'elle ferait une fugue exprès. Yvonne se cache. Ou Violette la cherche. Bref, encore une fois, tu voyais juste. Et cet homme de Violette est une femme type avec tout ce que cela représente de compliqué, de saine. Ce qui ne l'empêche pas d'être un très chic type, et très bonne, et très brave. Mais elle veut jouer l'homme. Et ni le sport, ni l'ablation des seins ne nous changent de sexe. Ce n'est pas grave, car Yvonne m'avait dit « Je partirai un jour ou deux pour que Violette se rende compte. » Hélas, je crois que cela ne transforme pas les caractères. C'est embêtant pour moi de me trouver au milieu d'une histoire de ce genre et de ne savoir que faire. Si je pars, j'embrouille les cartes. Si je reste, j'ai l'air de m'implanter. Je cueille mon amante. Je te tiendrai au courant de la suite. Aime-moi comme je t'aime. Jean Cocteau. Lettre à Jean Marais. On a des photos là où elle est devant son piano et devant la partition. C'est la deuxième partie de sa vie, ça, artiste lyrique. Et c'est celle où on a le moins d'informations. Milieu des années 30, c'est l'époque des orchestres féminins et des cabarets lesbiens. Violette Maurice aurait fréquenté assidûment le fameux Monocle, boulevard Edgar Quinet. La presse évoque alors plutôt qu'elle se produit au Poulailler, un autre cabaret parisien. Et des concerts radiophoniques, musique légère avec Violette Maurice, sur Radio Paris, sans que l'on ne soit parvenu à retrouver d'enregistrement. Je suis une grande collectionneuse de partitions. Je cherche toutes les partitions où il y a eu de chanteuses lesbiennes. Et donc c'est pour ça que je fouillasse tout le temps dans les dossiers de partition. Catherine Gonard, journaliste. Et comme par hasard, je tombe sur cette partition sur Violette Maurice, qui ne correspond pas à celle que je cherche, mais le fait que ce soit Violette Maurice, dont je ne me souvenais absolument pas qu'elle ait eu un parcours de chanteuse, je l'ai pris évidemment tout de suite. Et puis ce qui m'a aussi complètement surpris, c'est que la chanson qui s'appelle Gisèle, fleur d'amour, elle est dédicacée à quand même Gisèle de Rieux. Alors là, je me suis dit, c'est incroyable, je pense que c'est la seule partition que je connaisse, que j'ai vue depuis des années, où la dédicace est clairement à une femme. D'une femme à une femme. Alors elle est connue simplement pour avoir été une des amantes d'Arletty. Lorsque tu viens comme un oiseau frileux, te blottis entre mes bras amoureux, sur ta lèvre frémissante, dévote. Un long baiser pour te griller. C'est de toi que je rêve chaque nuit et j'en rêve encore lorsque le jour luit, car ton image me hante, ton souvenir me poursuit et m'enchante, mon seul amour, c'est toi toujours. C'est très... c'est pas du tout ambigu. J'aime bien la fin aussi. Peut-être un jour, hélas, tu t'en iras. Peut-être aussi que tu me trahiras. J'en garderai, ma chérie, un désespoir qui brisera ma vie si tu partais. Moi, j'en mourrai. Et je trouve que ça, alors là, c'est pour le coup, c'est... Il y en a très très peu qui osent chanter ce genre de choses. Hein. Mais bon, Suzy Solidor a quand même notamment une de ses chansons qui dit « Je peux pas voir une femme sans penser à l'amour ». Ce qui est, c'est assez clair aussi. Ça dit quelque chose du personnage, en tout cas, Violette Maurice, elle est ouvertement lesbienne. Ah oui, ça dit essentiellement ça. Tu passes, l'air est plus en... Ton charme et ta beauté, je t'appelle car loin de ton cœur, j'ai peur. Oh Gisèle, la plus belle. Et là, c'est avec Joséphine Baker. Mais ça, je ne sais pas quelle est la nature de leur relation. Ah ben, on leur prête une aventure. Ah oui, mais ça... Oui, moi, je n'étais pas dans le lit. Hein. Elle a tellement été un support de fantasme masculin, que ce soit du côté de le tortionnaire ou du côté des amours féminines, que, vous savez, il faut quand même... moi, je n'aime pas ça. C'est même assez scandaleux, ça devient du voyeurisme. Ben, de toute façon, les hommes ont toujours été attirés par les lesbiennes. Ça, c'est sûr, hein. Il y a un voyeurisme qui est absolument évident. Alors, quand vous rajoutez à ça qu'elle s'habille en homme, qu'elle se coupe les seins, qu'elle fréquente les Allemands sous l'occupation, qu'elle est tuée par le maquis Surcouf, alors vous voyez, là, c'est extraordinaire, parce que vous avez tous les ingrédients pour en faire un objet de haine. On a beau leur mettre les preuves sous le nez, ils n'en veulent pas. Ils préfèrent la légende, ils préfèrent la... C'est ça, moi, c'est ça qui me motive à faire mes recherches. Parce que quand vous avez construit une légende, eh bien, vous ne pouvez pas la dégommer avec des faits historiques. La puissance de l'imaginaire. C'était le beau temps des violaines et des violettas. Missy toujours aimait Colette et Violette aimait Vita. D'autres violettes le dimanche déposaient, si je me souviens, pour dessous de violettes blanches sur la tombe de René Vivien. C'était le cas Violette Maurice. Des violettes expéditives à abattre par tous les moyens. Qui n'avaient pas d'autre dessein que d'être les rois des sportives, se faisaient amputer des seins. Avec Marie-Jo Bonnet, Anne Simonin et Catherine Gonard. Lecture, Samuel Glomé. Gisèle Fleur d'Amour, chant et piano, interprété par Camille Martin. Prise de son, Georges Thau et Nicolas Delmas. Mixage, Philippe Mercher. Coordination, Christine Bernard. Stagiaire, Lily Cornaer. Un documentaire de Clément Salzar, réalisé par Christine Robert. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Il vous faudra votre certificat d'aptitude à la natation. Mais c'est une autre histoire.